Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 1, colonne 3. Choses et autres. La saison pour les conventions d'État vient d'être commencée. Pendant ces dernières semaines, un grand nombre de bulletins d'État seront soumis à la nomination et ce sera le tour à la marmite politique à chauffer et bouillir avec vivacité. Des protestations se sont élevées dernièrement contre les résultats naturels de l'enseignement de l'économie politique dans les collèges. Toute personne qui étudie l'économie politique, honnêtement et sans préjugés local, est obligée de devenir libre-échangiste, du moins en théorie. Quand David A. Wills a commencé ses travaux comme commissaire spécial du revenu, il était en faveur de la théorie protectionniste, mais plus il étudiait les faits, plus il devenait libre-échangiste. Il en est toujours de même, et les protestations contre l'enseignement libre-échangiste dans les collèges signifie simplement que la logique a tort et qu'on ne doit lui accorder aucune confiance. Les nouveaux bons de poste à mettre en circulation sont imprimés sur papier jaune avec lettres noires et gravures couleur brune. Le dos est marqué avec des gravures vertes. Ces bons, ayant les dimensions d'une enveloppe commerciale ordinaire, sont payables au porteur, en tout temps, dans les 3 mois qui suivront le dernier jour du mois de la mise en circulation, mais seulement remboursable au bureau de leur origine. Après l'examination du temps pour lequel l'émission a eu lieu, le bon devient nul, mais peut être renouvelé sur demande. Ces bons peuvent servir dans les transactions commerciales de la même manière que les billets de banque ou toute autre espèce monétaire courante. Il est facile de voir, dès à présent, que le vote indépendant tiendra la balance du pouvoir aux élections présidentielles de l'année prochaine. Le collège électoral, par l'augmentation du chiffre des représentants, sera de 401 et 201 voix seront requises pour l'élection de candidats. Certains États sont connus d'avance comme républicains et d'autres comme démocrates. Si les États votaient comme en 1880, les républicains obtiendraient 228 voix, les démocrates 173. Parmi les États qui avaient voté pour les républicains, New York, Indiana et New Jersey sont actuellement douteux. New York a 36 voix et du côté qu'il se mettra, il est presque certain que l'élection sera gagnée. Dans cet état, le vote indépendant est assez nombreux, ainsi que l'ont fait voir les dernières élections. Il est donc plus que probable que le vote indépendant décidera l'élection présidentielle l'année prochaine. Nous avons le plaisir de lire, dans un journal aussi important que le Globe démocrate de Saint-Louis, que le système des examens du service civil a été justifié au bureau de poste de Saint-Louis à un degré dépassant toute attente. Il dit « Alors que l'on objectait que le côté pratique du nouveau plan serait atteint avec difficulté, il a été réellement établi que les examens ont fourni des hommes qui promettent d'exceller dans les travaux du service postal. La réforme du service civil se recommandera d'elle-même partout où il en sera fait l'essai, parce qu'elle est basée sur la vérité et la justice. Nous n'avons jamais douté un moment de sa bonne réception par la faveur populaire. Le patronage politique est une source de faiblesse et non de force pour un parti. L'obsession des chercheurs de place est la malédiction de la vie publique. Quand les fonctionnaires publics reconnaîtront que ce n'est plus un mal nécessaire, que le système des examens chasse les 9/10 des chercheurs de place et passe le reste au tamis, nous verrons la réforme prendre de l'extension et arriver à embrasser toute la routine du service civil. Il a été suggéré que, vu la disposition naturelle des chevaux à prendre le mort aux dents et à s'effrayer trop souvent, il serait bon d'apprendre aux agents de police le maniement du lasso et de l'introduire comme partie de leur équipement. Dans les mains d'un agent habile, le lasso serait d'un grand avantage, non seulement pour arrêter les chevaux épouvantés, mais pour attraper les prisonniers qui tentent de s'évader. Ces résultats seraient plus efficaces que ceux du revolver et moins dangereux pour le public en général, car il arrive assez souvent qu'une personne qui n'en peut, mais est victime d'une belle destinée à un voleur qui se sauve. Le lasso pourrait être servi en cas d'incendie et pour venir au secours d'une personne en danger de se noyer. Le nouvel équipement, enroulé gracieusement sur le côté, ne serait nullement incompatible avec les fonctions de gardien de la paix, et considérant les dispositions de quelques-uns de nos habits bleus à frapper les individus réfractaires, le lasso prendrait fort à propos la place du casse-tête. Il y a quelques semaines que M. Samuel B. Hill, demeurant à North Andover Center, racontait à un ami la substance d'un rêve qu'il avait eu la nuit précédente, portant qu'il mourrait bientôt d'une manière subite. Les deux amis causèrent pendant quelque temps en plaisantant de cette affaire et se moquant de la théorie admise par certaines personnes que les rêves sont les avant-coureurs d'événements qui doivent arriver. Voici maintenant la suite de cette aventure dans le royaume des rêves. Mercredi dernier, à 5 heures du matin, Mme Hill fut éveillée par la respiration bruyante de son mari, à ses côtés, et lui ayant demandé ce qu'il pouvait avoir, elle ne reçut aucune réponse. On courut chercher le médecin, mais à son arrivée, Hill était mort. La théorie des rêves, telle qu'elle est connue aujourd'hui, est une des plus obscures qui existent. Il serait dangereux d'y ajouter foi, mais il peut arriver que la voix du sommeil est quelquefois une messagère de la vérité, comme le prouve le cas que nous rapportons aujourd'hui, et bien d'autres signalés par l'histoire, parmi lesquels se trouve celui du roi Pharaon, et dont la signification lui a été expliquée par Joseph. On est dans la joie aux quartiers principaux des Républicains. Le travail abonde et à chaque visite nouvelle d'un homme politique, il en résulte quelque chose de bien pour le confort général. Dans le courant de cette semaine, ils livreront à la publicité la biographie du gouverneur Butler et l'on prétend que 200 000 personnes la liront attentivement dans les limites de l'État du Massachusetts. Le gouverneur Butler la lira aussi. Il en sera envoyé une copie spéciale au lieutenant-gouverneur Ames, reliée en peau d'alligator. Le gouverneur recevra la sienne, s'il est possible, dans un morceau de peau des petits nègres tannés de Tewksbury. Les rapports de toutes les parties de l'État représentent que partout l'activité est très grande et que tous les électeurs prendront part au vote cette année. C'est sur ce réveil général que les Républicains s'appuient. L'aspect de Boston s'améliore de jour en jour, et si M. Pierce accepte la candidature, les 25 000 de majorité pour Butler l'année dernière seront réduits à 7 000. Il est question de lutte personnelle sérieuse. On dit que M. Baird et le général Gordon descendront dans l'arène et qu'ils déchargeront toute leur artillerie contre le gouverneur. La biographie du général Butler, dont il est mention plus haut, le rendra plus enragé que si 10 000 guêpes avaient élu domicile sur son crâne dénudé. Les républicains pensent qu'ils auront autant de plaisir à guetter Butler qu'une bande de petits garçons à tourmenter un taureau furieux par les interstices d'une haie. Mais le gouverneur a l'air enfoigné et indique les tiroirs de son pupitre dans lesquels il tient en réserve toute une provision de projectiles à lancer à la face de l'ennemi. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution, Non-Commercial, Share Alike et est une production 2013 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.